C'était la pièce « Et moi » de la formation « La question » qui est une quintette de rock francophone incluant trois membres du groupe Le Roi Poisson, pour ceux qui connaissent. Sinon, ils font actuellement la première page du Voir de Trois-Rivières, si vous voulez connaître un peu plus cette formation, qui est également une très bonne formation rock. Rock. Ouais, je pense que j'ajouterai rien, ça va être une formation rock. Et puis, donc, la pièce qu'on a entendue se retrouve sur l'album Affranchi, qui est le premier album de cette formation, et elle est parue en mars dernier. Tout juste avant, c'était Patrick Plot avec la pièce Linocéros de son album Hip Moi. Et Patrick Plot qui en fait le chanteur de la formation Plagia, qui nous ont offert un bon album qui est Explosion, Beautiful Explosion. Et puis donc, il était déjà connu comme étant le chanteur de ce groupe-là et guitariste et claviériste également. Donc, il effectue une petite escapade solo avec cet album-là que j'ai écouté. Je vous dirais que d'une pièce à l'autre, ça change. C'est certain que sa voix... En fait, à la première écoute, je ne savais pas du tout que c'était le chanteur de la formation Plagia. Et à la première écoute, je me suis dit, j'ai déjà entendu ça en quelque part. Donc, c'est sûr que d'une pièce à l'autre, je vous dirais qu'on sent l'influence, ou en fait, on sent que Patrick Plot est pas, s'est pas dirigé vers quelque chose de totalement différent. Il est resté dans la même vague, mais quand même avec un projet solo que je vous invite à découvrir. Et au début de ce bloc rock francophone, nous avions la formation Bonjour Brumaire avec la pièce La fin à petit feu de leur album De la nature des foules. Donc Bonjour Brumaire qui est une formation montréalaise qui est actuellement en tournée européenne. Et donc c'est ce qui complète ce bloc. Et on va se tourner du côté d'un bloc un peu plus tranquille, un bloc folk rock anglophone. Et on va débuter tout d'abord avec l'auteur-compositeur suédois José González sur les ondes de CIFU 89.1 FM. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine set to know what to say. Mind is a razor blade. To call for hands of above, to lean on, would have been one night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, would it be good enough for me now? To call for hands of above, to lean on, would it be good? This heart in a long time. I better stop now before I start crying. Go off to sleep in the sunshine. I don't wanna see the day. dying. She's a sight to see, sight to see. She's a good to me, good to me. I'm already somebody's baby. She's a pretty thing, pretty thing. She knows everything, everything. But I'm already somebody's baby. You don't deserve to be lonely, but those drugs you got won't make you feel better. Pretty soon you'll find it's the only little part of your life you're keeping together. I'm nice to you, nice to you. I could make it through, make it through. But you're already somebody's baby. I could make you smile, make you smile. If you stayed a while, stayed a while. But how long will you stay with me, baby? Suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night? just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you'd just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me. C'était la pièce « First Day of My Life » de la formation américaine d'indie rock « Bright Eyes ». Et ça vient de leur album « I'm Wide Awake, It's Morning ». Donc voilà pour cette pièce qui vient de jouer. C'est en fait tiré de leur 7e album qui est paru en 2005. Et je me souviens qu'au moment de la sortie de cet album-là, ils avaient sorti un autre album. En fait, c'était une double sortie la même journée. Et ils avaient présenté l'album « Digital Ash is a Digital Urn » qui est un album absolument électro, en fait, du tout au tout pour ces pièces-là. Donc on avait à la fois un album folk rock et un album électro. Donc, si vous avez apprécié la voix du chanteur notamment, peut-être que c'est un album que vous prendrez plaisir à découvrir. Et tout juste avant, on avait Elliott Smith, qui est un auteur, compositeur, interprète américain, avec la pièce Twilight de son album From a Basement to the Hill, qui est paru en octobre 2004. Et Elliott Smith, en fait, qui est un, comme je le mentionnais, un auteur, compositeur, interprète, et qui a été connu principalement pour grâce à la trame sonore du film Good Will Hunting, avec sa pièce Miss Misery qui paraissait sur cette trame sonore. Et en fait, il est mort en 2003 à l'âge de 34 ans, et le suicide serait malheureusement une possibilité envisagée pour expliquer sa mort. Donc, un autre artiste au grand talent qui nous a quittés comme ça pour, j'imagine, des raisons non valables, parce que nous, le suicide, on dit non. Donc, avant ça, on avait José González, qui est un auteur-compositeur-interprète suédois d'indie folk, avec une reprise de la formation électro-suédoise The Knife. On a entendu la pièce Heartbeats, qui se retrouve sur son album Veneer, paru en août 2005. Donc, c'est ce qui complète ce bloc folk tranquille. Et on va se quitter le temps d'une courte pause, mais tout juste avant, je vous rappelle que vous pouvez consulter les pièces qui sont diffusées à l'émission au www.myspace.com/c'est fou chérie sans accent. Et vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook si vous voulez être à l'affût des émissions à venir et des événements spéciaux. Donc, je diffuse aux membres de ce groupe. Et ensuite, également, ce que je voulais mentionner, c'est une petite nouveauté pour ceux et celles qui n'ont pas la chance d'écouter peut-être en entier cette émission et qui aimeraient l'écouter. Je vais mettre sur le profil MySpace de Chérie M'écoute-tu les balados de diffusion. Donc, dans la section blog, vous allez pouvoir voir la liste de lecture des pièces qui ont joué, ainsi qu'au bas, un onglet téléchargement. Donc, ce sera possible maintenant d'écouter Chérie dans votre iPod en vous rendant à l'université ou au travail ou autre encore, libre à vous. Alors, ceci étant dit, on se quitte pour une courte pause et on revient avec un autre bloc franco, parfois pop et électro sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est fou, 89,1 FM, la radio autrement. Je te dessine. progressive. Je s'exécute minute par minute, minutieuse. En espérant. En espérant.

bon, premièrement, court, qui contient 4 pièces. Et celle-ci, ce que j'aimais, c'était les arrangements un peu plus électroniques à l'arrière. Et pour ceux qui aiment Pierre Lapointe, il sera en spectacle le 23 mai prochain à la salle Logis à Thompson. Tout juste avant, c'était la formation montréalaise d'électropop numéro de leur nouvel album Sport de combat, qui est en fait leur deuxième album, qui est paru le 14 avril, c'est-à-dire mardi dernier. Et la pièce qu'on a entendue, c'était Tonton Klaxon. Et ils seront en prestation au bar Le Cercle de Québec le 8 mai prochain. Et au début du bloc, nous avions la formation montréalaise de pop rock New Wave, Les Incendiaires, de leur album Mono No Aware, la pièce Les Incendies. Et on sent très bien dans cette formation une influence New Wave européenne, entre autres des groupes comme Indochine, puis Niagara, puis des groupes comme ça. En fait, je reconnais plusieurs tonalités quand j'écoute ce groupe, puis en fait tout au long de leur album, qui est un excellent album pour ceux qui aiment le New Wave français, en fait du Québec, mais en français, c'est ça que je voulais dire, non pas New Wave de la France. Alors, c'est ce qui termine ce bloc, et on va se diriger vers un autre bloc, un bloc d'indie rock anglophone, avec 3 prochaines pièces. Donc, la première qu'on va entendre, c'est une pièce de la formation Falls. On va entendre la pièce Olympic Airway sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. C'était la pièce Airplay de la formation Graveyard Smash, qui est une formation ontarienne composée de 5 membres et qui est basée à Ottawa. Et leur musique est un mélange de post-punk et d'indie alternatif. Et donc, c'était la formation Relief Maps. Tout juste avant, nous avions la formation montréalaise d'indie rock Plants and Animals avec une pièce de leur album Park Avenue. C'était Bye Bye Bye. Et Plants and Animals, qui est une formation que je qualifierais d'un mélange entre David Bowie, Queen, Arcade Fire, quelque chose comme ça. En fait, surtout cette pièce-là qu'on vient d'entendre, ça me fait vraiment penser à un mélange de tous ces groupes. Et au début du bloc, nous avions la formation Falls, qui est une formation d'indie rock, dance punk, originaire d'Oxford en Angleterre, avec la pièce Olympic Airways de leur album Antidotes, paru en mars 2008. Et cette pièce-là me fait penser beaucoup à la formation canadienne Winter Gloves, pour ceux qui connaissent. Sinon, si vous avez apprécié cette pièce, vous pouvez également écouter ce groupe. Je crois que vous allez aimer également. Et en fait, c'est ce qui complète ce bloc d'indie rock anglophone. Et en fait, avant de terminer cette émission qui se terminera sous peu, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez consulter les pièces qui ont joué ce soir sur le profil MySpace de Chérie M'écoutes-tu, soit le www.myspace.com/c'est-fou-chérie. Sans accent. Puis vous pouvez également télécharger maintenant la balado diffusion nouveauté sur dans la section blog du profil MySpace de l'émission. Et donc avant de conclure, pour se diriger vers deux dernières pièces, je voulais en fait vous mentionner qu'il y a de cela 10 jours, c'est-à-dire le 10 avril dernier, le vendredi saint, je suis allée au Charlot, qui est un café bistrot-bar de Trois-Rivières, parce qu'il y avait un spectacle de la formation folklorique Beth and Wallet. Et en fait, après leur prestation, j'en ai profité pour leur poser quelques questions et j'ai pensé partager avec vous peut-être les réponses de cette brève entrevue. On avait, en fait, il y a une pièce de Beth and Wallet qui a joué à l'émission il y a 2 semaines et je vais laisser eux-mêmes répondre, en fait, à mes questions. Mais avant, ce que je veux mentionner, c'est qu'il y avait également une première partie. Et ces deux groupes-là viennent de la Nouvelle-Écosse. La première partie, c'était une auteure, compositrice, interprète également de la Nouvelle-Écosse qui fait dans le à la fois country et folk rock. Et son nom, c'est Jane Hennart. Et je lui ai demandé de nous décrire son album qui s'intitule Songs from the Trajectory. Mais elle le prononce beaucoup mieux que moi, mais en fait, voici sa réponse. C'est des chansons que j'ai écrites. Je dirais que c'est du folk rock avec aussi des influences du blues, du R&B. Moi, je suis beaucoup influencée par des artistes comme Leonard Cohen, Bob Dylan, Martha Wainwright, un peu dans ce veine-là. Alors, pour les gens qui aiment les chansons anglophones, un peu basées sur des textes comme ça. Donc ça, c'était sa réponse. En fait, elle nous dit qu'elle est influencée principalement par des groupes comme, ben en fait, des chanteurs comme Leonard Cohen ou Martha Wainwright. Donc, c'était sa vraie réponse. Puis en fait, on va écouter une pièce tout juste après. On va entendre une partie de l'entrevue également de Beth and Wallet. Et ensuite, je vous ferai écouter une pièce de Jane Hennart. Donc, j'ai également demandé à Beth et Wallet de nous parler un peu de leur album. Mais juste avant, je leur ai demandé de nous expliquer comment s'est formé ce duo, puisque il est composé de Gabriel, qui est originaire du Québec, et de Betty, qui est originaire de la Nouvelle-Écosse. Alors, voici la réponse de Betty à ce sujet. Mais moi, j'avais un projet solo. Je m'appelle Mary Beth Carty, mais je vivais à Québec, puis je trouvais ça intéressant. Mais j'ai joué l'accordéon, je me suis dit, je vais m'appeler Mary Betrave pour mon projet solo. Puis j'avais composé des chansons à répondre comme bilingue, des chansons bilingues comme les squeegees, puis une chanson Les fonctionnaires, qui est en anglais, mais le titre est en français. Et je chantais ça dans les bars, mais je voulais jouer avec quelqu'un qui tapait des pieds, et puis j'ai fait une amie qui s'appelle Gabrielle Wallet. Donc ensuite, Gabrielle, justement, qui est l'autre compagnon de ce groupe, nous a expliqué un peu ce qui se retrouve sur leur album du nom de Voici Beth and Wallet. Alors voici sa réponse. C'est un album avec lequel on a découvert notre méthode scientifique de création, la musique recyclée. Sur l'album, il y a un certain, peut-être 30% un tiers qui serait de la musique complètement traditionnelle. Et puis il y a des compositions à 100%. Il y a aussi des chansons recyclées. Et puis c'est là qu'on a trouvé vraiment notre voix, de prendre des mélodies traditionnelles puis d'ajouter des paroles contemporaines. Puis là-dessus, c'est ça, on parle des squeegees, on parle des OGM, on parle de plein de sujets contemporains. Et puis ça nous touche. Alors, si vous avez envie d'entendre ce que font Beth et Wallet, je vous invite soit à aller sur leur site, soit le www.bethandwallet.com ou via le profil MySpace de l'émission. Vous allez trouver l'icône de ce groupe et vous pourrez entendre 3 pièces disponibles gratuitement. Alors, comme en conclusion, en fait, on se quitte avec une pièce de l'auteur-compositrice-interprète Jane Hennart, qui est originaire de la Nouvelle-Écosse, avec la pièce « Late Night Phone Calls » sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Come over here, I've not seen you in years. Last time we made a fire in the woods. Not until the flames were out could we say the things that were true. How I fell for you in the fall. Now each year fall reappears, I'm reminded of it all. We did everything that was not allowed. Though you had me chained, I felt so free somehow. With all those